Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle va commencer. Veuillez avoir l'amabilité de fermer vos gueules, merci. Cuisses nues, bottes de cuir, mini vêtues, radumez-nous, collier hindou, sein de cachemire. Balade sans rien dessous sur ta ceinture qui prend terrain, glisse des yeux, rêve des mains, aux cuisses nues, bottes de cuir, mini vêtue, radumino, suis-tu la mode pour ton plaisir ou cherches-tu à me rendre fou? Arrête-toi de raccourcir. Pour nous les hommes, c'est un martyr. En cuisse nue, botte de cuir, radumino, sein d'angora. Toi tu t'en fous de leurs soupirs, mais un beau jour, prends garde à toi. C'est un bourgeois devenu Borgia qui te clouera entre ses bras. À cuisse nue, botte de cuir, botte en tissu, botte à vernis, botte en lamée pour la soirée, botte en machin pour le matin. Pour te garder mon érotique, je t'offrirai toute la boutique. Cuisse nue, botte de cuir. Cuisse nue, botte de cuir. Oh,

gueule et l'angoisse. La guerre au Métec. Blanche-Neige, Sticky, Trip et Joint, Hervé Voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit. Aux hormones, yeah. La mer pleine de merde, yeah. Le monde en plastique, yeah. La structuration, le métro, cannabis syndicat, chanvre et Marie-Jeanne, opium hashish, Blanche-Neige. Ce que vous pensez. Non, non, mais tu entends ce que je pense. Écoute. Tu entends ce que je pense. Allez, 3, 4. Thank you. l'eau. Allons ! Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. 5, 6, 7. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Piti piti pa. Ben c'était pas mal. Alors, nous reprenons le tout tout de suite. Allez, mademoiselle, le tout tout de suite. 5, 6, 7. No!

rythme a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Galaxie. Se ela teve tantos namorados, só assim uma rapariga tão quente, eu chego num quarto e tenho que ir à piscina refrescar-me.